إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons, bi'idhnillahi ta'ala, la lecture de Al-Qawa'id al-Arba' du Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, les quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec le commentaire de l'éminent savant Muhammad Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، donc après ce qui a précédé, après tout ce qui a précédé, il a dit, rahimahullah, et ceci se fera par la connaissance de quatre règles qu'Allah Azzawajal a citées dans son livre. Al-Qa'idatul Oula. La première règle, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. La première règle, c'est que tu saches que les mécréants, qu'a combattu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants qu'a combattu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, reconnaissez qu'Allah Azza wa Jal est le créateur et le commandeur, et que la reconnaissance de cela n'a pas fait d'eux des muslimines, ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et la preuve sur cela se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens approximatif, dit: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? Ne le craignez-vous donc pas. قال الشيخ محمد أمار رحمه الله dans son commentaire: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا الكلام كله تمهيد عظيم بين يدي هذه الرسالة العظيمة الفائدة للقواعد الأربعة. Il dit, rahimahullah, que tout ce qui a précédé, c'est une introduction et c'est une préface bénéfique entre, avant d'entamer cette risala, de grands profits et de grands intérêts qui est les quatre règles. وَذَلِكَ Quand il a dit « Et ceci se fait avec la connaissance. » Ceci, c'est-à-dire te sauver de l'associationnisme. Comment tu peux te sauver de l'associationnisme? Il a dit « Avec la connaissance de quatre règles qu'Allah a citées dans son livre. » هَذَا يُسَمَّ اسْتِقْرَاءٌ وَاسْتِنْتَاجٌ من القرآن الكريم. Donc il a dit quatre règles qui ont été citées dans le livre d'Allah. Est-ce que ces quatre règles ont été citées comme ça, exactement telles que l'auteur les a citées? Ces quatre règles ont été tirées du livre d'Allah en étudiant entièrement le livre d'Allah et en déduisant ces règles. Donc c'est une déduction du livre d'Allah Azza wa Jal. فإذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك كيف أقر بهذا ثم توجه إلى غير الله. فإذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك كيف أقر بهذا ثم توجه إلى غير الله يدعونه فاعرف القاعدة الثانية وهي شبهتهم التي أوقعتهم في الشرك وهي قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Donc si tu connais cette règle et ensuite tu te poses la question, comment ça se fait qu'ils ont reconnu en Allah Azzawajal le Seigneur et le souverain de ce monde, et ensuite ils se sont adressés à autre que lui en l'invoquant. Il a dit, alors sache la deuxième règle, il faut que tu prennes conscience de la deuxième règle qui contient l'ambiguïté qui les a fait tomber dans le shirk, qui consiste en leurs paroles, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Al-Qa'idatul Oula. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا أردنا أن نلخص هذه القاعدة نقول الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدخل المرأة في الإسلام. Donc après avoir cité la première règle, Cheikh Mohamed Amar rahimahullah dit, si on veut résumer cette règle, nous disons que reconnaître et croire en l'unicité d'Allah dans la Seigneurie seul ne fait pas entrer dans l'islam. هذا ملخص القاعدة الأولى. لماذا؟ لأن الكفار الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وقاتلهم كانوا يقرون لله تعالى بالربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويؤمنون هذا الإيمان, أي يفردون الله تعالى بأفعاله سبحانه Il a dit, rahimahullah, donc ça c'est le résumé de cette règle. Pourquoi ? Le résumé, je le rappelle, de la première règle, c'est que croire en l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans la royauté, seul ne fait pas entrer dans l'islam, ne suffit pas pour être un musulman. Pourquoi ? Car les mécréants que le prophète alayhi salatu wassalam a combattu et s'est autorisé leurs biens et leur sang et les a combattus, ces koufars reconnaissaient et croyaient en l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils croyaient qu'Allah Azza wa Jal est l'unique, qu'Allah Azza wa Jal est le Créateur. Et ils croyaient qu'Allah Azza wa Jal c'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit la subsistance. Et il croyait qu'Allah Azza wa Jal est l'administrateur de tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Il croyait en cela. C'est-à-dire, ils unifient Allah Azza wa Jal dans ses actes. لا يعتقدون أن آلهتهم من اللات والعزى ومنات وهبل أنها شاركت الله تعالى في الخلق والرزق والعطاء والمنع لا يعتقدون ذلك المشركون الأولون لم يشركوا بالله تعالى أحدا في ربوبيته أي لم يعتقدوا أن لأحد من خلق الله تصرفا في هذا الكون بالعطاء والمنع والنفع والضر دونك Les kuffars ne croyaient pas que leurs divinités, telles que Lat, Al-Uzza, Manat et Hubal, ils ne croyaient pas que ces divinités ont participé avec Allah Azza wa Jal, ont contribué avec Allah Azza wa Jal dans la création ou dans le pourvoi de la subsistance, ou que c'est elle qui donne. Ou que c'est elle qui prive. Ils ne croyaient pas cela. Les premiers associateurs n'associaient avec Allah personne dans la Seigneurie. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas que quelqu'un en dehors d'Allah a une quelconque administration et gestion dans l'univers en donnant, en privant et en ramenant le bien ou le mal. Donc ça, c'est de manière générale. De manière générale, comme précisent les hommes de science, que les anciens n'avaient pas de shirk dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. À part quelques exceptions. Mais de manière générale, ils avaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. أما في هذا الزمان فقد وجد من الصوفية من يدعون أن شيوخهم لهم تصرف في الكون والنفع ودفع الضر عنهم فيشركون بالله تعالى في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه المشركون الأولون. Par contre, à notre époque, il y en a parmi les soufis qui prétendent que leurs chouyours ont une contribution dans l'univers. Ils ramènent le bien, ils repoussent le mal. Et ils associent Allah dans la seigneurie. Ils associent Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Chose que les anciens associateurs n'avaient pas. إذن ما الفرق بين المشركين القدامى ومشركي هذا الزمان؟ الفرق بينهم هو وجود التصوف في هذا الزمان. في عهد الجاهلية لا يوجد تصوف. التصوف هو الذي علم الناس في الآونة الأخيرة وجود أرباب يتصرفون في هذا الكون مع الله. Donc, quelle est la différence entre les anciens associateurs et les contemporains parmi les associateurs? La différence, il dit, rahimahullah, Cheikh Mohamed Aman, c'est l'existence du sophisme à notre époque. Car dans la période anté-islamique, il n'y avait pas de sophisme. C'est le sophisme qui a enseigné aux gens dans ces derniers temps. C'est le sophisme qui a enseigné aux gens dans ces derniers temps l'existence de seigneurs qui administrent et qui gèrent l'univers avec Allah. وهذا ما تنص كتب المتصوفة أو بعض كتبهم عليه حيث يقولون أن الصالحين والأولياء مشغولون بالخدمة في حياتهم وإذا ماتوا تفرغوا ليتصرفوا في هذا الكون لأتباعهم لذلك يتوكل الدراوشة والمريدون على شيوخهم أكثر من توكلهم على الله في نجاتهم حتى يوم القيامة في صلاح شؤونهم وفي حفظ أموالهم وأولادهم وفي سعة أرزاقهم. Et ce que Cheikh Rahimallah dit, il dit ensuite, et ça c'est cité de manière explicite et claire dans les livres des Sophis ou dans certains de leurs livres, ils disent que les vertueux et les alliés, les saints, pendant leur vivant, ils sont occupés par l'adoration d'Allah. Ils sont occupés par le service. Il veut dire par le service, yani l'adoration d'Allah. Mais une fois qu'ils décèdent, ils se libèrent pour la gestion de l'univers. Wal-iyadu billah. Nous demandons à Allah de nous préserver de l'égarement à ce point-là. Tomber dans un égarement qui n'existait pas dans la période anté-islamique. Et se dire muslimine et croire qu'ils ont atteint la vérité. Ils disent que les prophètes, ils sont dans le degré de la législation. Mais eux, ils ont atteint un degré supérieur qu'ils appellent le degré de l'haqiqa, la vérité, et qu'ils ont une compréhension profonde dans les textes. Ils ne se limitent pas à la compréhension qu'avaient les prophètes et leurs suiveurs, tous sans exception, qu'ils appellent la compréhension apparente. Eux, ils ont une compréhension profonde. Ils lisent entre les lignes ce que toi, tu peux pas voir. Mais eux, ils y arrivent quand ils ont une soumission totale et absolue à leur chouyour. Ils prétendent que c'est ainsi que tu puisses y arriver. En étant devant ton cheikh comme un cadavre entre les mains de celui qui le lave. C'est-à-dire, tu supprimes la raison qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. Tu supprimes toute critique et t'acceptes tout ce qui t'est dit, même si dans l'apparence, il t'est demandé de faire un péché, un grave péché. Wal-iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillahi ala ni'mati sunnah. Wallahi, il faut remercier Allah Azza wa Jalla sur cette ni'ma immense de nous avoir guidés dans la sunnah et dans Salafia, qu'Allah nous raffermisse dans cette voie, et qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et notre guidé est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. On n'est pas guidé par notre intelligence, ou par notre science en est guidée parce qu'Allah Azzajal nous a comblé de ce bienfait et nous a guidés. Et les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait tourner comme il veut. C'est pour ça qu'il est appelé, il a été appelé qalb. لِشِدَّةِ تَقَلُّبِهِ. C'est pour ça que le cœur s'appelle cœur. Car il tourne beaucoup et il change beaucoup. Et c'est pour ça que le dua que faisait notre noble prophète alayhi salatu wassalam le plus, comme elle a dit Umm Salama radiallahu anha, Ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. Ô celui qui fait tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Qu'Allah raffermisse nos cœurs dans sa religion. Et qu'Allah nous préserve de l'égarement. Ensuite, il a dit, Rahimallah, c'est pour ça que les mourides, les suiveurs et les adeptes des soufis, ils placent leur confiance en leur chouyour plus que comment ils la placent en Allah Azza wa Jal, en espérant d'eux la sauver le jour du jugement dernier, qu'il les sauve. Et entre parenthèses, il y a des chouyours de soufis qui ont dit ça d'une manière claire. Ils ont dit, même si Allah il te fait rentrer en enfer, moi je viendrai et je te fais sortir de l'enfer. Et également, ils comptent plus sur leur chouyour que Allah Azza wa Jal dans leur réforme. C'est de leur chouyour qu'ils espèrent la réforme, et non pas d'Allah. Et pour préserver leurs biens et leurs enfants, et pour leur octroyer un rizq large. إنما يعتمدون على الشيوخ بعد وفاتهم وأما في حياتهم فإنهم يخلصون لهم الخدمة والخضوع والتذلل والسجود على أقدامهم رجاء أن ينفعوهم بعد وفاتهم هذا دين الصوفية. Donc ces mourides, ces adeptes des chouyoukh soufis, ils comptent sur leurs chouyoukh après leur mort. Mais pendant leur vivant, ils leur vouent une soumission et une humilité et se prosternent devant leurs pieds et ils sont à leur service d'une manière exclusive. Tout ça dans l'espoir qu'il leur soit profitable après leur mort. C'est ça la religion des soufis. C'est ça la religion des soufis. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين. هذا الدين غير معروف في عهد المشركين الأولين. المشركون الأولون قال الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله لا يشركون بالله أبدا في الربوبية. Cette religion qui a été décrite précédemment n'était pas connue à l'époque des premiers associateurs, des anciens. Les anciens, Allah Azza wa Jalla a dit d'eux dans le sens approximatif, et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Ils n'associaient pas Allah, jamais dans la Seigneurie. Donc bien évidemment, quand Cheikh dit jamais, comme on a vu précédemment, c'est-à-dire, yani de manière générale et globale, excepté des individus qui avaient de l'associationnisme même dans la seigneurie, tels que Pharaon et ceux qui sont comme lui. لذلك يقول الشيخ رحمه الله مستدلا على هذه القاعدة التي استنتجها من القرآن الكريم، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويتصرف فيها ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الشيخ رحمه الله يدي كإمام محمد بن عبد الوهاب إلى citer l'argument sur cette règle qu'il a déduit du livre d'Allah, qui se trouve dans la parole d'Allah Azzawajal dans son sens approximatif, dit: qui vous attribue de la nourriture et du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront: Allah. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? الجواب في هذه الأسئلة كلها: الله. فقل أفلا تتقون؟ إذا كان الأمر كذلك، أما تتقون الله تعالى أن تشركوا به في عبادته؟ La réponse dans toutes ces questions, je rappelle les questions: qui vous attribue de la nourriture, du ciel et de la terre? Qui détient lui la vue? Ainsi de suite. La réponse dans toutes ces questions, c'est dit. Dit alors: ne le craignez-vous donc pas? Si c'est comme vous l'affirmez, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui pourvoit la subsistance, c'est Allah qui gère tout l'univers, c'est Allah qui détient lui et la vue, c'est Allah qui fait sortir le mort du vivant et le vivant du mort, si vous reconnaissez tout ça, pourquoi vous ne craignez pas? Vous ne le craignez pas. Et vous ne délaissez pas l'associationnisme dans l'adoration. طالما آمنتم هذا الإيمان بالله تعالى وأفردتموه بالتوحيد وتعلمون أنه هو المتصرف في كل ذلك يلزمكم أن تفردوه بالعبادة. Tant que vous croyant lui cette foi en Allah Azzawajal, et que vous l'unifiez dans l'unicité, c'est-à-dire l'unicité de la Seigneurie, et que vous savez que c'est lui qui administre toutes choses, il vous incombe de lui vouer un culte exclusif et de l'adorer seul. Et ذلك توحيد الألوهية وتوحيد توحيد الألوهية توحيد يلزم به المشركون إلزاما، أي يستدل بتوحيد الربوبية على إلزام المشركين بتوحيد العبادة، وإلا لا يذكر القرآن توحيد الربوبية ليدعو الناس إليه، لأن الناس موحدون من قبله، ولكن القرآن كما ترون يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، ويلزم الناس الذين يشركون بالله تعالى في عبادته يلزمهم عدم الإشراك بتوحيد العبادة حيث وحد الله تعالى في ربوبيته. Écoutez bien cette faïda qui cite ici, rahimahullah, qui est une faïda très importante dans le domaine de tawhid. Il dit: l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est-à-dire dans l'adoration, c'est une unicité qu'on impose aux associateurs. C'est une unicité qu'on impose aux associateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on leur impose cette unicité? C'est-à-dire que après avoir reconnu l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, ils doivent absolument l'unifier dans l'adoration. Si tu reconnais que le seul qui crée c'est Allah, le seul qui accorde la nourriture c'est Allah, le seul qui donne la vie et qui donne la mort c'est Allah, si tu reconnais tout ça, tu n'as pas autre choix que de te soumettre à lui et de croire qu'il est l'unique divinité, l'unique qui mérite l'adoration et personne d'autre avec lui. C'est pour ça dans le Coran, Allah Azza wa Jal ne cite pas l'unicité de la Seigneurie pour convaincre les gens avec cette unicité et les appeler à cette unicité. Ça c'est très important. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie, dans le Coran, elle n'est pas citée pour appeler les gens à cette unicité et les convaincre par cette unicité. Car ils croient en cette unicité avant l'arrivée du Coran. Mais le Coran, comme vous l'avez constaté dans ce verset, et dans les versets où c'est cité l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, il prend leur acceptation de l'unicité dans la Seigneurie comme argument pour leur imposer l'unicité d'Allah dans la divinité. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de discours et de beaucoup de paroles pour convaincre quelqu'un qu'Allah est unique dans la Seigneurie. N'importe quelle personne qui a une raison, elle arrive facilement à reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla est unique dans sa Seigneurie. Facilement. Après reconnaître ça dans son cœur et le rejeter avec sa langue, c'est autre chose. Ensuite, il a dit, rahimahullah, لكن إذا وقع الإنسان المنتسب إلى الإسلام المكثر من العبادة في النوعين معا بما يلزم المشرك ألزم بتوحيد العبادة لأنه موحد في ربوبيته وإذا وجد من يشرك بالله في ربوبيته وفي عبادته ما الحيلة فيه. Avant de traduire ce passage, yani parmi les choses qu'on puisse dire à quelqu'un pour le ramener à cette évidence, à cette évidence qui est l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est déjà son existence lui. Comment t'as existé toi? D'où tu viens? D'où vient cet univers? Si tu lui dis, je suis rentré chez moi et un carrelage s'est placé seul, l'une à côté de l'autre, d'une manière parfaite. Et ça a été fait tout seul. Il va te traiter de fou. Ou si tu lui dis, qu'un avion s'est fabriqué tout seul. Les ailes, les chaises, les sièges, le moteur, tous les composants de l'avion sont venus l'un à côté de l'autre jusqu'à former cet appareil et seul, sans l'intervention de personne. Là encore, il va te traiter d'être fou. Alors lui-même, qui dit qu'il n'y a pas de créateur de cet univers, et que l'univers vient de nulle part, et que toute cette création qu'il voit, dans sa perfection, dans l'harmonie qu'il y a entre les différentes créatures, et dans ses cycles, qui a entre les créatures, il te dit que tout ça, ça a été fait tout seul, alors lui, il est beaucoup plus fou que toi qui prétends que le carrelage s'est fait tout seul, que l'avion s'est construit tout seul et des choses comme ça. Donc, obligés qu'ils reconnaissent qu'il y a un créateur pour cet univers. Ensuite, le Cheikh Mohamed Amar, rahimahullah, a dit maintenant, si celui qui se dit musulman, si celui qui se dit musulman et qui fait donc, comme on a vu précédemment, l'associateur, on lui impose l'unicité dans la divinité, car il reconnaît l'unicité dans la seigneurie. Mais maintenant, si on a affaire à quelqu'un qui associe Allah dans la seigneurie, dans l'adoration, comment faire avec lui? Il dit, rahimallah, il se pose cette question. Il a dit, taqillu al-hila. إنما يرجع إلى العقل ويذكر بمن خلقه من حيث الخلق الكل متفق على أن الله وحده هو الخالق لكن إذا آمن بأن الله هو الخالق وآمن أيضا بأنه الرازق كيف يدعي بأن الشيخ يؤثر في الرزق وفي الحياة وفي الأجل وينفع ويضر donc il dit quelqu'un comme ça qui associe Allah dans la seigneurie et dans l'adoration, il y a peu de moyens pour le convaincre et pour l'appeler à la vérité. Mais on essaie de le ramener à sa raison en lui rappelant qui l'a créé. Car du point de vue de la création, tout le monde est d'accord qu'Allah Azzawajal est l'unique créateur. Personne n'a jamais prétendu avoir créé quoi que ce soit. Entre parenthèses, bien évidemment, quand on dit la création, qui est un attribut d'Allah Azzawajal, spécifique à lui, c'est la création à partir du néant. Mais si tu utilises créer dans le sens yani donner lieu à une création qui n'existait pas auparavant, mais à partir de choses qu'Allah Azzawajal t'a mis à ta disposition, telles que créer une voiture. Donc nous, on parle pas de cette création-là. On parle de la création qui est spécifique à Allah Azzawajal et que personne de ces créatures ne peut faire. Par contre, l'autre création, en réalité, ce n'est qu'une transformation. Par exemple, une voiture n'existait pas. On a né à partir de matières premières qu'Allah Azzawajal nous a mis à notre disposition. On a pu fabriquer une voiture, une nouvelle création qui n'existait pas avant. Ou un nouveau modèle d'une voiture également. Donc ce soufi, après avoir reconnu qu'Allah Azzawajal est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, on lui dit comment alors tu prétends que ton cheikh, il attribue la nourriture et il a une influence au sujet de du rizq et également dans la vie. Et dans le délai, il y en a, ils prétendent que leurs chouyours, ils peuvent même te changer ton délai de mort, qu'Allah t'a prescrit. Il peut être bénéfique et peut te nuire également, ils prétendent. Il dit, « لأنه من الصالحين والله أذن له أن يتصرف هذا التصرف. Ça va être quoi sa réponse? C'est que ce cheikh, il fait partie des pieux et des vertueux. Et qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné ce pouvoir de gérer l'univers. ولذلك إقناع الجاهل يصعب القول بأن الله أذن له يحتاج إلى دليل ولا دليل ومطالبة الجاهل بالدليل تضيع للوقت. Ensuite il dit c'est pour ça que c'est difficile de convaincre un ignorant, car dire qu'Allah عز وجل lui a donné ce pouvoir, ça nécessite un argument, et demander à un ignorant l'argument est une perte de temps. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي قوله إن صح ما ناظرت عالما إلا غلبته ولا ناظرت جاهلا إلا غلبني. C'est pour ça qu'il a été rapporté de l'imam Shafi'i, si cela est confirmé, et du point de vue de l'authenticité, sa parole, je n'ai jamais débattu avec un savant sans l'emporter. Et je n'ai jamais débattu avec un ignorant sans qu'il l'emporte lui. Et à chaque fois qu'il a débattu avec un savant, il l'a vaincu. Et à chaque fois qu'il a débattu avec un ignorant, il a été vaincu. لِأَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُقَدِّرُ الدَّلِيلِ. Car l'ignorant ne connaît pas l'importance et la valeur de l'argument. إِذَا أُفْحِمَ يَسُبُّ وَيَشْتُمْ وَيَمُدُّ يَدَهُ إِلَى الْعَصَى هَذَا دَلِيلُ الْعَاجِزِ. دليل العاجز دليل العاجز الإساءة لأنه لا دليل عنده ولا حجة فينتهي به الأمر إلى الإساءة. Donc car l'ignorant ne connaît pas la valeur de l'argument. Il ne connaît pas la valeur de l'argument. Et si t'arrives avec les arguments, et tu le domines dans le débat, qu'est-ce qu'il fait? Il insulte. Et il prend le bâton. Et ça, c'est l'argument de l'impuissant. L'argument de l'impuissant, c'est de faire du mal à son adversaire. Car il n'a pas d'argument en réalité, il n'a pas de preuve. Il finit par faire du mal à son adversaire. هذا ما تشاهدون إذا عجز أتباع المتصوفة من إقامة الدليل على ما هم فيه قالوا هؤلاء لا يحبون الأولياء أعداء الأولياء أعداء الرسل دين جديد ملة جديدة هذا دليل العاجز عن الدليل والله المستعان. إلي رحمه الله إساب لفوية chez les suiveurs et les adeptes des soufis. Quand ils n'arrivent pas à présenter les arguments pour légitimer ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, de Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent, ils n'aiment pas les alliés d'Allah. Ce sont les ennemis des alliés d'Allah. Ce sont les ennemis des prophètes. C'est une nouvelle religion. Ça, c'est l'argument de l'impuissant Allah al-Musta'an. Ils disent, ils ont ramené une nouvelle religion. Tu lui dis, quand tu fais salat, et tu fais salat Ibrahimiya, fais comme le prophète alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Comme le prophète alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, radiyallahu anhum. Il leur a dit, dites Allahumma salli ala Muhammad. Et ne dites pas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Car le prophète alayhi salam ne nous a pas enseigné ça. Il te dit, toi tu n'aimes pas le prophète alayhi salam. Tu ne veux pas qu'on le décrive avec le maître. Sayyidina, tu n'aimes pas le prophète alayhi salatu wasalam. Regarde comment, yani, comment il répond. Alors qu'en réalité, celui qui aime vraiment le prophète alayhi salatu wasalam, c'est celui qui le suit et qui suit ses recommandations. Voilà ce que Cheikh Abdallah a dit par rapport à cette règle, qui est la première des règles, dont le résumé, c'est que l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie ne suffit pas pour être un musulman. Il faut avoir les trois catégories de l'unicité. C'est ainsi que tu deviens musulman. Mais l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, ça, même le Jahiliya, même dans le Jahiliya, ils avaient ça. Et malheureusement, tu vois que le mutakallimin, tel que l'Asha'ira, tel que le Maturidiya, quand ils parlent de l'unicité d'Allah Azzajal, ils ne parlent que de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et ça, tu le trouves dans leurs livres. Et c'est pour ça que beaucoup de Asha'ira tombent dans shirk, car ils ne donnent pas d'importance à l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, dans la divinité et dans l'adoration. Mais tous leurs efforts, c'est pour démontrer l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et ça, c'est quelque chose, comme on a vu, qui n'a pas besoin de grands efforts pour convaincre quelqu'un de l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Ça, c'est une évidence. Il faut être fou ou orgueilleux pour ne pas la reconnaître. Il faut être quelqu'un qui n'a pas de raison, un fou ou un orgueilleux. Il la reconnaît avec son cœur, mais il la rejette avec sa langue. Mais sinon, toute personne sensée, dotée de bons raisonnements, elle reconnaît qu'Allah est l'unique créateur, l'unique pourvoyeur, l'unique administrateur de toute sa création. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous augmenter en science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, de nous accorder la sincérité et le suivi de notre prophète Aïssa au salam dans toutes nos paroles et dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous délaissons. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Allah Azza wa Jalla veut du bien, il lui donne la bonne compréhension dans la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous raffermisse dans le tawhid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته